horrible. T'es vraiment une sinistre. Sois violent, les gars, doucement. Ça fait DJ Timer Production. Ok. Donc, qu'on s'en veut dire, nous là, pour nous Kikaï. Ne l'oblige Kikaï. Plus encore. Ah putain, c'est nous, ben. Ouais, ah, ben. C'est des gars, c'est des gars, c'est des gars, c'est des gars. Eh, quand, comme il en a les gars, ils font pas nous disent qu'à la moelle, disent qu'à la moelle, disent qu'à la moelle. Un beau pas de Noël. Un beau pas de noter, pour un autre mentir. Et là nous est parti. Eh ben, c'est reparti. Le gars est bon, pas nous jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle est fini, et ceci est que les textes techniques seulement depuis hier. Si ma tille débarque, feu de brille, car un technique, à moi il vaut moins 1000 textes, ça saute comme il aura nouveau jeu de mots. Faut pas 1000 textes, ça saute, t'as folle pas. Pas fait mon tas, saute comme un faux fait moins. Ah, si saute comme un faux frère, car, car saute pas cri la chiasse comme arrivé, rivé. Oublie pas, saute le faux, saute les juste le produit dérivé. Et c'est sur moi que saute, je l'ai rivé. Sans être prétentieux, côté moi, n'est pas sûr que saute bagaille arrive. Copie 4 mille comme moi, des gommes, moi, mi comme moi. Mon amour pour que j'aille faire comme moi. Non, mi copa donne ton, mi te peut faire beaucoup plus de son donne ton. Comme elle en a les gars, ils font. Pas nous jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle, jusqu'à la moelle. Le pilier, je suis écrit texte technique seulement des billets. Si ma tête est bas, fais de prier car un technique à moi, il vaut moins mi texte. Ça sort comme il nous rend nouveau jeune mot. Pas mi texte, ça sort, t'en folle pas. J'en fais mon temps, ça comme un faux fait moi. Ah, t'es vu, il voulait si ça comme un faux fait. Le son est vaillabonne, très bien de la tête mélodie qui résonne. Timmy, c'est désolé, mais l'instru est cramé. Brûlé, le frère, brûlé. Vous êtes que les autres. Doucement. C'est parti, on y va. Yeah. Eh, massif. N'a rien, tu ne vas pas la porte là. C'est pour critiquer, ben vaut mieux sortir là. Pas besoin de notice là, l'exemple là. SOLDAT, c'est le micro vers vous autres là, massif. N'a rien, tu ne vas pas la porte là. C'est pour critiquer, ben vaut mieux sortir là. Pas besoin de notice là, l'exemple là. Paquet. Hein? Bah là, la dîme coule trop sexuelle. Trop virtuelle. Pas besoin de nous voir la conseille. Et nous fait la musique pour attirer femme. Rien n'a plus rien, vous verrez qui décide des femmes. Mais laisse-moi cliquer ça, c'est VR, pas VR. Clic, clic, laisse-moi détendre un peu l'atmosphère. Même si mon son, il va donner ma quête. Pas grave, mi fait zeste. Pas grave. Le son, il va y avoir. Très loin de la tête, mélodie, il résonne. Très loin, l'impression arrive le mois de somme. La case, il faut y tomber. Jamais mon pantalon m'a fait descendre. Respect pour ça, lequel est fait tant. Faut le son, il va y avoir. Bonne. La case, il faut y tomber. Apparemment, mi dérange, mi mange en plein. Je m'utilise la haine, j'ai quoi comme un tremplin. Mi fait grand oreille, il faut dire dans le cabot, tout ça là, il rentre bien. Dans la haine ou dans le love, moi, mi fait chante bien. Tout, quel était le sang, retourne, si moins. Tout, quel était mal, qui l'a pour des foules, si moins. Le balle dans son, dans la race, ben saute, si moins. Si vous voulez, si vous Mina chine dans la tête épicée ou bien vitaminée. Mi passé dans tes lèvres, dans ses pètes, dans l'état milé. Matière beau flambeau, neuf, sa casa même, sa déraciné, raffiné. Sur le régime n'a fait bobo, mani abîmé. Chine dans la tête épicée ou bien vitaminée. Mi passé dans tes lèvres, dans ses pètes, dans l'état milé. Matière beau flambeau, neuf, sa casa même, sa déraciné, raffiné. Parce qu'il faut le son, il faut y avoir. Tous les autres, la tête mélodie, il résonne. Tous les hommes, les presses arrivent le mois décembre. La case, il faut y tremble. Jamais mon pantalon m'a fait descendre. Reste pour ça, lequel est pétant, tant. Faut le son, il faut y la case il faut y tom. Tout le temps ou la poule. Cassez-nous, laissez-nous, chassez-nous. Watik l'hypocrisie, donc moi m'y crache au bout. Désolé, je me suis emporté. Remise à l'ordre de munitions, plein souvent emporté. Nous délivrer que les scandaliser. On mène pas haine, vous ne nous va analyser. Si vous comprenez pas, mais nous va brutaliser. Vite, les autres me retrouvent à hospitalisé. Et tous les autres, ils cassent moi. Tous les autres, ils mal par la maison, moi y aurait un pile. Que c'est fait cause à tuer, c'est moi. Mais c'est pas moi. Peut-être tous les jaloux. Peut-être tu veux pas m'avance plus vite que vous. Peut-être tous les jaloux. Ça c'est le son qui parlait pour toutes celles qui connaissent. Que moi la reste de même, elle a pas changé depuis qu'on se connaît. De mon IM raconté que Billout l'a changé. Depuis mes feux de trois scènes, m'y prend à moi pour George Clooney. Mais où les trouver? Où est le monde avant ça? Où ils t'ont pris avant? Un mal à où? Ah ouais, ça dégage. Si l'instru m'y sent à moins bien, donc obligé mettre ça bien, tellement bien. Plus besoin écrit que tout seul ça vient, mais ça va bien pour moi, pour les potes aussi. Laisse à moi, big up NSO, tous les potes au ciel, pour l'équipe ça, pas pour les qui ça. Ou t'as peut-être demandé à où t'es, ben ça c'est qui ça. On te passe à où abuser, défouler, amuser bien comme il faut, car le soir et ça décolle comme un fisé. Ha, qui touche comme un crapaud, qui veut du thé à la menthe.